Celui-là vous emmènera une nouvelle fois pour le Canada, mais l'aventure est un peu différente. Je ne vous en dis pas plus, et je vous dis évidemment, prenez soin de vous, à très bientôt.